tout tes vies à chier. Si je m'accueille, qui t'es taxé. Au Parizo, on va te faire bouffer ton nez. Et tes cicaves, on va te les greffer. Oh Satan, tu l'as bouffé dans 4 galantes. Je vais te spéculer la face et t'astuquer les rentes. Économie stagnante, mon cul. C'est dans le tien que c'est perdu. Ça licencie comme on brûle des vélus. Un coup de 10 ans d'environ. Un nique sa race la consommation. Annick la mère réputation. Ils m'ont pris pour un bouffon. Expansion. Mm-hmm.